بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. 21e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله. من اليوم سنبدأ في باب الوضوء. On va prendre dans le chapitre du wudu, les ablutions. Awalen, Masmoul Mu'allif, l'auteur, comment il s'appelle? Ibn Hajar, c'est quoi son prénom? Là, c'est Ahmed. Ahmed. Ibn ابن علي أبو الفضل. طيب. فقال باب الوضوء. On avait pris la faïda déjà que la différence entre wudu et wadu comme tuhur et tahur ou suhur et sahur. Quand on dit wudu بالضم الواو avec une dhamma sur la waw, c'est l'action. Et wado bi fath al waw avec une fatha sur le waw, c'est l'eau utilisée. Comme on avait pris par exemple tuhur, c'est se purifier, et tahur, c'est ce qu'on utilise pour se purifier. Akal al wado fi l'ugha asluhu min al wada'ati ويالحسن والنظافة. Donc littéralement parlant, c'est pris de الوضوء والوضاء الوضاءة qui veut dire يعني purification ou pureté ou on va dire lavage. هكذا. وشرعا هو التعبد لله عز وجل بي غسل الأغذاء الأربعة على صفة مخصوصة comme dans le char de Al-Mumti'a. Donc dans la législation, c'est le fait, c'est un acte d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un lavage des quatre membres d'une façon particulière. Naam. Après il dit mas'ala ishtirat al-niyya, conditionner l'intention. La plupart des gens de science voient que l'intention est une condition pour la validité de l'odo. L'odo, il a besoin d'une niya. Contrairement à quoi? On l'avait dit dans le vers précédent. Izalatun najasa. En fait, najasa n'a pas besoin d'avoir une intention. L'odo aussi. Hadha bidalil qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat. Que les actes ne valent que par l'intention. Il y a certains savants qui voient le contraire. Mais en réalité, la parole, la mas'ala, elle est claire que l'odo a besoin d'une niya. Car comment différencier entre l'odo et quelqu'un qui se rafraîchit, par exemple? Mathalem. Après, il dit mas'ala at-talaffuz bin niya, le fait de prononcer la niya, l'intention. Donc il y a apporté une parole de Cheikh al-Islam Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, volume 22, page 219-218, dont le khulasa c'est que le fait de prononcer la niya à voix haute, ce n'est ni obligatoire et même pas mustahab, même pas recommandable, avec ittifaq des muslimines, avec unanimité des muslimines. Il dit même le fait de celui qui prononce la niya avec à voix haute pourra innover. Et s'il fait cela en ayant pour croyance que cela fait partie de la législation, c'est une chose qui est légiférée, alors ignorant, dol, égaré, qui mérite une sanction. Aujourd'hui, on trouve chez qui cette, cette bid'a, tu la trouves chez les Ahbesh par exemple. Ils prétendent avoir pris ça de Shafi'i. J'avais déjà fait un tafsil par rapport à ça sur le, dans les durus de Al-Bani Nawawi. Celui qui veut écouter, il y avait un ders khas par rapport à ça. Aniyat al-talafuz bin niyyah. Quand même. Donc ça c'était la mukaddima. Après il dit premier hadith, il y en a qui est le 29e hadith du kitab. الحديث التاسع وعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. Donc le hadith qui est selon Abu Huraira que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit si ce n'était pas qu'un de trop surcharger ma communauté, je leur ai ordonné d'utiliser le siwak durant chaque ablution. Et le hadith, il est authentique. Après, important de l'imam An-Nawawi qui l'a dit dans son char de muslim, que littéralement parlant, siwak bi kasr sin, avec une kasra sur le sin, huwa yutlaku ala al-fi'l wa ala al-'ud. Que le fait de dire siwak, ça s'emploie sur deux sens. L'action, de se frotter les dents avec, et sur le bâton. Contrairement à ce qu'avait, j'avais entendu d'un individu qui s'appelle Islam ibn Ahmed, qui avait dit que le siwak, c'est juste le fait de se brosser les dents, et que le bâton, c'est el-araq, tu vois. Un égaré encore qui parle sur le savon, qui se dit qui fait tourba de la salafia. Quand j'écoutais ce truc-là, je sais, ben lui, et soi-disant, il est hafiz de Bukhari. Ben dans Bukhari, il y a le hadith qui est mutafakun alayhi de Aïcha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, que Dakhal Abdurrahman wa ma'ou siwak ratbun. Tu vois qu'Abdurrahman, le frère d'Aïcha, il est rentré, qu'il avait avec lui un siwak ratbun, un ifrais. Et le Nabi sallam, il l'a regardé. Donc il regardait quoi, le siwak, ou il regardait le. Tu vois. Des fois, des gens se demandent qu'est-ce qu'ils veulent par là. Ça, c'est un truc qui est malheureux pour les enfants. Le siwak, c'est le bâton. C'est ce bâton. C'est l'action, c'est un masdar aussi, et c'est le bâton. Quand même. Donc après, il dit, mas'ala, hukmu et siwak, le jument du siwak. Le siwak, il rapportait la parole de l'Nawawi, toujours dans son char de muslim, où il dit que le siwak est une sunna. Un acte fortement recommandé, qui n'est pas obligatoire, ni en dehors, ni durant la salat, avec unanimité de tous ceux qui sont comptés comme étant considérés dans l'unanimité. Et c'est un plein de noms de relève par rapport à ça. Donc le Shiri dit que le hadith, que certains ont vu qu'il était obligatoire le siwak, mais ce hadith il est clair. Quand elle est laoula en ashukka ala ummati, s'il n'était pas à crainte de surcharger ma communauté, je leur aurais ordonné. Ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire. Il est mustahab. Il est recommandé. Ensuite, il cita une parole de Nawawi toujours, où il cite les moments recommandés pour utiliser le siwak. Aslan qala inna as-siwaka yustahabbu. Que le siwak est recommandé dans tous les, en tout temps, à tout moment. Et que à cinq moments, il est bien plus recommandé. Au moment de faire la salat. D'accord ? Au moment de faire la salat. Qu'il soit purifié par de l'eau ou par de la terre. C'est-à-dire qu'il ait fait l'eau avec de l'eau ou le tayammum. Pas de différence. Deuxième, au moment de l'eau, comme le prouve ce hadith. Pas les ablutions. Troisième, inda qira'atil Qur'an, durant la lecture du Qur'an. Quatrième moment, inda al-istiqaz min al-naum, lors du réveil. Wal khamis, inda taghayyur al-fam, lorsque la laine change. après avoir mangé, après avoir eu un long silence, ou après avoir longtemps parlé, par exemple. Voilà, kada. Tout ce qui cause un changement d'haleine pouvant être désagréable, hein, le siwak est recommandé à ce moment-là. Donc son kalam, lorsqu'il dit que le siwak est mustahab fi jamia al-awqat, qu'il est recommandé dans tout, à tout moment, la preuve en cela, c'est le hadith rapporté par Aïcha. Al-siwaku mutahiratu lil-fam wa mardatu lil-rab. C'est un hadith qui est sahih, rapporté par Ahmed Ghayru. Le siwak est une purification de la bouche et suscite l'agrément du Seigneur. Donc là, c'est général. Quand même, ce qui prouve que le siwak, tu peux l'utiliser quand tu veux. Après, par rapport à sa parole durant la salat, c'est quoi la preuve? C'est le hadith d'Abu Huraira. Lorsqu'il dit dans le Sahihayn, qui ressemble à ce hadith-là, لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة. Si je n'avais peur de trop surcharger ma communauté, je leur ordonne le siwak durant toute salat, avant chaque salat. Il ressemble à l'autre hadith. L'autre hadith, c'est le wudu, l'autre, c'est la salat. Ensuite, sa parole par rapport au fait de lire avant le Coran, c'était pris du hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui le dit, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكْ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ فَتَسْمَعُ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ حَتَّى يَدْعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ لِسَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ. Donc la traduction serait que certes, le serviteur, lorsqu'il se frotte les dents et ensuite accomplit la salat, l'ange se met derrière lui et écoute sa récitation. Après, il se rapproche de lui jusqu'au point de poser sa bouche sur la bouche du serviteur. Donc tout ce qui sort comme Coran, comme récitation du serviteur, rentre dans l'ange. Donc il dit alors, purifiez donc vos bouches pour le Coran. Et il s'avère que ce hadith en réalité est mawquf, c'est-à-dire en fait c'est une parole de Ali. Mais là, il parle d'un Amr Ghaibi par rapport à l'ange qui pose sa bouche sur la tienne, ainsi de suite. C'est des choses, Ali ne peut l'avoir inventé. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'ont pas dit qu'il est le hukm du Rafa. Il n'a pas le jugement d'un hadith rapporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Kulmé est arak bil umr al ghaibiyya, lahu hukm Rafa. En tout cas, c'était la preuve pour le fait de prendre le siwak pour le Coran. Ensuite, lors du réveil, la preuve en cela, c'est le hadith de Hudhayfa, al-muttafaqun alayhi, qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est quand même min al-nawm, yashufu fahu bi-siwak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si jamais il se levait, lorsqu'il se levait de la nuit, de son sommeil, il se frottait les dents avec le siwak. Et quant à sa parole, lors du changement d'haleine, le même preuve, c'est le même dalil, c'est le hadith de Aïcha. C'est le hadith de Aïcha. Que le siwak, hein, purifie la bouche et suscite l'agrément du Seigneur. Il est général, il rentre dedans. Et également, il y a un autre sujet qu'il a oublié de citer, le Nawawi, que Shiri rattrape en disant également, parmi les moments recommandés d'utiliser le siwak, lorsque tu rentres à la maison. Comme le rôle le hadith de Aïcha, quand elle dit que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il a mis le manzilahu, bada bi siwaki, akhrajou muslim. Que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre à la maison, il commençait par se frotter les dents avec le siwak. Et ça, c'était en guise de quoi? D'avoir une bonne haleine. Parmi les causes, parce qu'il y a d'autres causes, mais la plus apparente, c'est celle-là. Quand même. Après, il finit par une masala sur laquelle il y a eu du khilaf, mais qui en réalité, le khilaf, il n'est pas bien lourd. Il n'est pas super important. C'est une chose qui mérite. C'est une divergence après qui vient à chacun, au final. N'étant pas basé sur un dalil clair, qui est fi ayyad yubashar al-istiyak. De quelle main tu utilises le siwak? Donc beaucoup de savants, dont entre autres l'imam Ahmed, Sheikh al-Islam et autres, voit que le siwak, on utilise la main gauche. Et Cheikh Al-Islam a même prétendu qu'il connaît personne parmi les imams s'étant opposé à cette parole. Car il voit que le fait de se frotter les dents avec le siwak, c'est une chose qui amène à enlever des nuisances de la bouche. Et cela se fait avec la main gauche. Ils ont fait un caisse avec le stinjé, tout ça. Le stijmar. Et d'autres ulama évoquent c'est avec la main droite. Et leur preuve, c'est quoi le hadith de Aïcha ? Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yujibuhu al-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite en toutes choses. Lorsqu'il mettait ses chaussures, lorsqu'il se peignait, lorsqu'il se purifiait. En toute situation. Donc le siwak qui rentre dans quoi ? Tatahurihi. Wa fi tuhurihi bal. C'est une purification le siwak. Donc après il rapporte une parole de Cheikh Al-Uthaymeen qui dit, comme on l'a dit, wal amru wa lillahi alhamd wasi'un fa yastaka kama yurid lianahu laysa fi almas'alati nassun wadih. Que la chose est facile et souple. La personne fait le siwak comme ça lui plaît. Car il n'y a pas de texte qui vient définir la façon d'utiliser le siwak avec la main droite ou avec la main gauche. Et Cheikh Ibn Hizam il dit quoi ? Par rapport à la parole de Cheikh Al-Islam qui dit qu'il ne connaît personne qui se soit opposé au fait de prendre le siwak par la main gauche, cette parole-là, c'est une parole qui est erronée. D'accord ? Une parole qui est erronée. Et lui, il voit, et c'est aussi l'avis que personnellement j'ai toujours eu, que le préférable, c'est avec la main droite. Comme le prouve le hadith de Aïcha. Que Nabi Salam Yorjibou al-Tayammun, qu'il aimait commencer par la droite toute chose. Et dans, entre autres, Fitouhourihi. Hein ? Dans sa purification. Et le siwak, c'est une purification de la bouche. Et également, c'était une autre preuve qui démontre que la droite pourrait paraissant comme étant la meilleure. Souvent, c'est le hadith de Aïcha, lorsque Abdurrahman, son frère, est rentré, lorsque Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam était sur sa poitrine avant qu'il meure, qu'Abdurrahman est rentré qu'à siwak. D'accord ? Qu'il a regardé. Quand elle a dit Aïcha, « Akhouzoulak, est-ce que je prends pour toi ?» Achara an-na'am. Elle l'a pris. Après, elle a mordu, elle a ramouli. Elle lui a donné. Et il est connu que la sunna c'est de quoi ? De prendre par la droite. Donc Nabi Sallam l'a pris par la droite. Et s'il avait changé de main, il dit qu'Aïcha l'aurait dit. S'il avait pris le siwak par la main droite, puis ensuite l'aurait pris de la main gauche pour se faire le stieg, elle l'aurait précisé ça. Donc s'il n'y a pas, c'est qu'il a gardé la même main pour le faire. Et quoi qu'il en soit, elle amsahl. C'est lui qui fait que la main gauche, avec la main gauche, il n'y a pas de. Tu vois, ma fille m'arzour fait là. C'est une chose qui est facile. C'est pas une khil, c'est pas, comme je dis, c'est pas un khilaf qui amène à. Ça vient à chacun après. Celui qui fait avec la main gauche, il n'y a pas le blâmer. Celui qui fait avec la main droite, il n'y a pas le blâmer. C'est pas un truc sur lequel on a un texte, on a des directives religieuses. Non. Fahadaou. T'as même ? Donc demain, Inch'Allah, on commencera dans Sifat al-Wudu. Biznillahi ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.